Cours d'écoute anthropologique du 18 mars 2016, deuxième partie. C'est ça, écoutez, je travaille sur ces deux auteurs, Héraclite et Parménide, depuis plusieurs décennies. Et en fait, je n'en finis pas de découvrir des choses grâce à eux. Mettons que je vais commencer, disons que je les vois comme un couple. Héraclite, c'est celui qui est le plus vieux. Et c'était un bonhomme qui habitait à Éphèse. Éphèse, c'est en Asie mineure. C'est là où est la Turquie maintenant. Alors, Héraclite était un bonhomme très spécial qui a écrit un poème dont il nous reste quelques morceaux, pas beaucoup. Que c'est énigmatique un peu. C'est ça. Héraclite? Héraclite, oui. Parce que Parménide a écrit aussi le... Comment s'appelle C'est un poème aussi? C'est un poème, oui. Je ne me rappelle plus. La nuit ou non? On verra. J'ai eu la difficulté parce que à trouver, quand vous avez dit le mythe de Parménide. Ah oui. Je n'ai pas trouvé un mythe. Que non, trouvé... bien sûr, il n'y a pas de mythe, non. J'ai trouvé, c'est comme un peu l'histoire de lui et le poème. Oui, c'est ça. C'est après la nuit ou... Comment, je ne me souviens pas, mais c'est comme la... C'est une écriture qu'il a fait, qui est très renommée et tout ça. C'est un poème philosophique. Oui, un poème philosophique. Dans lequel il formule sa fameuse phrase, l'être est... Et le non-être n'est pas. Oui. C'est à ça que je pensais et que je suggérais de comparer à la situation de Romulus et Rémus, où on a Rémus qui est hors de la muraille et qui n'est pas, et Romulus qui est à l'intérieur de la muraille et qui est, puisqu'il devient le premier roi de Rome. Vous voyez? Donc, ce que met en évidence Parménide et ce que met en évidence le mythe de Romulus et Rémus, c'est l'intérieur est et l'extérieur n'est pas. L'être est et le non-être n'est pas. Bon, dans certaines circonstances, l'être est à l'extérieur, mais pas le cas de Romulus et Rémus. Alors, bon, je vais vous trouver les passages que j'ai écrits là sur Héraclite. Je vais vous les lire, c'est plus facile. Comme ça, moi, je suis sûr de ne rien manquer. Héraclite. Héraclite est né à Éphèse, en Asie mineure, aux environs de 540 avant notre ère. C'est un philosophe qui est très controversé et irritant, dont l'œuvre ne nous est parvenue que fragmentée grâce aux citations que divers auteurs ont fait de lui. Héraclite est connu pour être le philosophe de la contradiction. Et longtemps après, Hegel va prendre l'idée de contradiction de Héraclite. Hegel, c'est le continuateur, si vous voulez, d'Héraclite. Et Marx, d'une certaine façon, qui est le continuateur de Hegel, va donc être un successeur quand même d'Héraclite. Alors, pour Héraclite, l'un est un concept fondamental, central. Et l'un est identifiable au logos qui imprègne toute chose, le logos qui baigne tous les êtres. Le logos, c'est un peu la parole, c'est le langage, ou c'est... Ouais, ouais. Okay. C'est la parole, en fait. Okay. Ça peut être aussi la sagesse, ou la philosophie. C'est Sophia qui a la sagesse. Logos, c'est la parole. Psychologue. C'est-à-dire la parole sur le psychisme, ethnologue ou... Je pensais toujours que le logos était plus lié au le savoir, la philosophie, la sagesse, plus que la parole en termes matériellement. Bah, c'est le discours sur quelque chose. On peut discourir de façon rationnelle. Alors, on peut se demander pourquoi Héraclite soutient à la fois l'idée de l'un, d'un côté, et l'idée d'une opposition contradictoire à l'intérieur de l'un. Hein? Il soutient à la fois l'un et la contradiction à l'intérieur de l'un. C'est quoi ça? L'un et la contradiction. Mais qui contient ça? Héraclite défend cette théorie-là. Oui. Okay. L'hypothèse de l'un engendre nécessairement qu'il n'y a rien hors de l'un. Hein, c'est ça le problème. Quand j'en dis l'un et, mais l'un, pour qu'il soit, il faut qu'il n'y ait rien d'autre que lui. Parce que s'il y a quelqu'un d'autre que lui, il n'est pas là. Il n'est plus là. sinon, l'un ne serait plus l'un, mais deux. Hein. De la même façon qu'il n'y a rien avant l'un, ou après l'un, pour les mêmes raisons. Il s'ensuit que l'un occupe la totalité de l'espace et la totalité du temps. Il ne peut plus d'autre part y avoir de mouvement, puisque ceci impliquerait que le mobile se déplace dans l'espace et dans le temps et peut se trouver successivement à deux endroits différents, en des temps différents, ce qui contredirait l'hypothèse de l'un. Donc, chez Héraclite, puisqu'il y a l'un, il n'y a comme rien d'autre, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni... Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'un, c'est l'espace-temps. C'est l'espace-temps dans lequel tout a lieu, hein? De plus, ce que dit Héraclite, c'est que tout est en continuel changement. Tout change de façon continue. Ça veut dire que les choses ne changent pas pendant 5 minutes, puis elles arrêtent de changer pendant 5 minutes, et puis elles reprennent de changer après. Non. Il faut que ça change tout le temps. Parce que si ça arrête de changer, ça ne va pas. Il faut que ça change continuellement. Parce que si vous voulez, il y a une contradiction entre l'un et la contradiction. La contradiction fait tout le temps des changements à l'intérieur de l'un. Et l'un, il veut empêcher le changement. Si vous voulez, c'est un... Très bien. Il dit Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Hein? Donc, le fleuve change continuellement. Alors, bon, moi j'ai essayé d'imaginer c'est quoi qui représenterait le mieux la théorie d'Héraclite, et j'ai trouvé quelque chose qui est les ondes sinusoïdales. Les ondes, vous savez, les ondes qui montent et qui descendent. Ça, c'est une bonne façon de représenter la théorie d'Héraclite parce qu'elles changent continuellement. Il n'y a pas un moment où elles arrêtent de changer. Très bien. Et Héraclite dit, tout est être et non-être, c'est-à-dire la contradiction qu'il y a à l'intérieur de l'un. C'est une contradiction entre l'être et le non-être. Toute chose a son contradicteur. La lumière s'oppose à l'obscurité. Le son s'oppose à la surdité. La nuit, le jour, l'homme, la femme... Le bien et le mal. Le bien et le mal, etc., etc. Et il y a toujours un combat continuel entre ces contradictions-là. Et ce combat est permanent. Mais lui, il dit que ça, c'est les contradictions qui sont à l'intérieur de l'un. Oui. Donc à l'intérieur de l'un, il y a des opposés, il y a des contradictions. C'est ça. Des mais, opposés. Ces contradictions respectent l'un, puisqu'elles ne sont pas différentes de lui, elles sont à l'intérieur de lui, tu vois. C'est le début de la compréhension de l'ambivalence. De l'ambivalence, oui. C'est... Et c'est quelque chose qui est en même temps en mouvement, hein? C'est le fleuve qui change tout le temps, c'est le logos qui change tout le temps. Le logos, c'est un fleuve de feu, hein, qui change tout le temps aussi. Comme la vie. Comme la vie, c'est ça. Bon. Donc, il y a du mouvement, mais en même temps, c'est un mouvement continuel. Bref. Alors, Parménide arrive une quarantaine d'années après Héraclite. Et il dit, contrairement à Héraclite, l'être est et le non-être n'est pas. Alors que Héraclite, il dit tout le temps, l'être et le non-être sont en opposition continuelle. Pour Parménide, il y a une séparation. L'être est et le non-être n'est pas. Romulus est roi de Rome. Rémus est enterré hors des murailles. Vous voyez la différence entre les deux. Héraclite, c'est l'objet partiel et Parménide, c'est le phallus. C'est deux logiques complètement différentes. Une qui est une logique de dissociation, de séparation entre les choses qui pourraient se stimuler dangereusement et une où les choses sont continuellement en contact, mais ce n'est pas incestueux, ce n'est pas problématique. On peut dire que Héraclite, c'est le temps où l'enfant est un nourrisson, où il est en contact avec sa mère et ce n'est pas incestueux. Hein? Si vous imaginez ce que fait l'enfant avec sa mère, ça pourrait être extrêmement incestueux si cet enfant avait été beaucoup plus âgé. Mais comme il est enfant, tout ce qu'il fait avec sa mère n'est pas incestueux et il ne va pas le stimuler de façon indue. Alors que s'il grandit et qu'il continue à être stimulé comme ça, on va dire non, il faut les séparer. Parce que c'est une stimulation indue. Et cette situation parménidienne, si vous voulez, apparaît quand on met fin à la contradiction. On sépare la mère, l'enfant, les deux frères, etc. Mais dépendamment des cultures, on ne sépare pas de la même manière. J'imagine que ça aussi, ça joue. C'est comme dans certains pays, les enfants vont dormir avec leur mère longtemps, alors que, comme ici, c'est mal vu. C'est ça. Il y a ici. De plus en plus, on a tendance à projeter la période ultérieure sur la période antérieure. C'est-à-dire on érotise énormément une période précoce qui n'est pas érotique. Et la psychanalyse a beaucoup contribué à ça, en disant il y a une sexualité infantile, puis ci, puis ça, puis finalement... qui a été compris tout en même temps. C'est ça. Il se peut très bien qu'on ait culpabilisé indûment des rapports naïfs mère-enfant. Avec toutes les revues là, de ce qu'il faut faire puis pas faire. Des fois, j'entends ces postes de radio puis je trouve ça décourageant. Tout ce qu'ils disent, ce qu'il faut pas faire puis faire. Moi, je dis à mon chum, on fait ce qu'on veut, mais on le dit pas. Comme ça, on a appris. On fait comme on veut. C'est ça, oui. Oui. Bon, écoutez, je veux pas vous parler de Parménide, et de Zénon d'Élée, parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps, puis je pense que on n'est plus tout à fait en état de... Mais bon, peut-être vous dire seulement que Zénon d'Élée était un disciple de Parménide, et bon, on dit même qu'il était son mignon, on peut dire, son amoureux. Il était quand même beaucoup plus jeune que lui. Et ces gens habitaient à Élée, c'est-à-dire à peut-être à 200 km de Rome. Et je pense qu'ils ont contribué à la formation de l'esprit romain. La philosophie éléate, si vous voulez, est une philosophie, même si elle a été créée par des Grecs, mais dans un voisinage romain, elle a contribué à l'esprit romain, qui est un esprit où la scission est importante. La séparation. Oui, la séparation, oui. La séparation entre hommes et le reste du monde, la séparation entre le corps et l'esprit. Hein, à Rome, le corps est vraiment réprimé à un niveau corporel très fort. Là, alors que Héraclite, qui était de l'autre côté de la Méditerranée, à Éphèse, a un tout autre esprit. Un esprit où la contradiction demeure importante. On ne tranche pas une contradiction, on la maintient active, alors que Parménide, lui, il tranche dans les contradictions. Hein? Il construit, mettons, le phallus, l'être est. Ou on n'est pas. Oui, ou. Le non-être n'est pas. Donc, okay. L'être est, il est tout seul à être. Ok. C'est la première construction, si tu veux, d'une entité non contradictoire, stable. La permanence de l'objet, mettons. La permanence de l'objet date de Parménide, si vous voulez. Alors que Héraclite, c'est la variation continuelle de l'objet. Il faut que la contradiction soit active de façon permanente. Alors... Pour revenir à l'exemple que vous avez dit sur la mer, par exemple, vous avez dit chez Héraclite, c'est le logis partiel, chez Parménide, c'est le phallus. Après, vous avez dit, c'est l'exemple de la mère avec l'enfant, qu'au début, on ne dirait pas que c'est incestueux, mais après, oui, tout ça, c'est d'Héraclite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dirait Parménide dans ces cas-là? C'est-à-dire, c'est Parménide qui instaure le phallus, qui instaure, si vous voulez, l'idée du tout est sexuel. Le phallus, si vous voulez, c'est toutes les phrases qui commencent par « tout ». Oui. Tout est sexuel, tout est ceci, tout est cela. Alors, Parménide, il dirait « tout est sexuel ». Donc, si tout est sexuel, tout ce qui précède aussi est sexuel. Donc, le stade de l'enfant où il est encore un nourrisson est aussi sexuel. Alors que... Bon, c'est sexuel, mais d'une toute autre façon. Hein. C'est sexuel d'une façon objet partiel. Hein. C'est pas sexuel dans le sens phallique. Hein. Ça serait Parménide. Phallique, c'est Parménide. Héraclite, il dit qu'il y a toujours la contradiction. Pourquoi dans le cas de l'exemple de la mer et tout ça, est où la contradiction? Comment on peut trouver la contradiction chez Héraclite dans cet exemple? Ben c'est le la négociation entre la mère et l'enfant à propos de tu me donnes le sein ou tu me donnes pas le sein. Quand est-ce que je vais avoir des soins, quand est-ce que je ne vais pas avoir de soins. Il y a toute une négociation constante entre la mère et l'enfant, sous la tutelle du père, qui est un peu éloigné. Mais tout ce qui se passe dans ce trio-là est une négociation permanente, si tu veux. Alors, je dors parce que tu m'as dit que tu n'allais pas t'occuper de moi, donc je m'endors. Mais si je sens que tu as envie de t'occuper de moi, alors je reste réveillé. En tout cas, il y a toute une... Un essai de négociation. Et oui, c'est ça, entre la mère et l'enfant qui est continuel. Hein, et ce que fait l'enfant se reflète du côté de la mère et inversement. Hein, il n'y a pas de vide entre eux, si tu veux. C'est toujours... C'est comme un et dans l'autre. Ouais, c'est ça. C'est comme... comme quand je négocie un produit pour un achat, ce que je ne vais pas payer, c'est le vendeur qui ne va pas l'avoir. Hein? Si je fais baisser le prix, c'est le vendeur qui perd de l'argent. Donc je suis en contradiction avec le gars qui me vend un produit, tu comprends? Et s'il augmente le prix, c'est moi qui perds, et c'est lui qui gagne. S'il baisse le prix, c'est moi qui gagne, c'est lui qui perd. Il n'y a pas de marge de manœuvre, c'est ou l'un ou l'autre, tu sais? C'est ça la contradiction. On est pris un peu dans le même. C'est ça. Puis ce que je gagne, lui, il le perd, et ce que je perds, c'est lui qui le gagne. On est pris là-dedans. Mm-hmm. C'est inhérent. La contradiction est inhérente à l'âme. Non? Au système. Au système. C'est ça, au système de négociation. Puis même, probablement, longtemps après la période du nourrisson, les mères sentent les émotions de leurs enfants beaucoup plus que les pères, souvent. Comme quelque chose qui est en dedans. C'est ça. T'apprends ça quand t'as un enfant. Comme un enfant, mettons, qui pleure. Moi, ça me dérangeait pas. Même un vol de 6 heures, un enfant qui pouvait hurler en arrière de moi. Tu sais, j'ai des amis qui disaient c'est fatigant, moi. Pauvre tu, il pleure. Mais le mien qui pleure, quand il était petit, c'est comme ça crie en dedans de moi. C'est ça. Ça était comme ça crie en dedans de moi. Comme ça te colle après. Alors que quand on passe du côté du phallus, la logique est tout à fait différente. Mm-hmm. C'est plus une logique législative, c'est la loi qui s'est imposée. Mm-hmm. Mais en même temps que la loi s'est imposée, il y a une logique qui a été perdue. Hein, on a changé de logique. C'est pas une loi qui vient s'ajouter et mettre de l'ordre dans quelque chose. C'est une loi qui arrive après qu'une logique a changé. Et mettons que ce que je vous ai raconté ce matin à propos d'Édipe, des trois étapes d'Édipe, mm-hmm. pourrait bien représenter ce passage d'Héraclite à Parménide. Hein. Héraclite, c'est le temps où l'enfant tête sa mère sans problème. Hein, il négocie avec elle. C'est le temps incestueux, mais qui ne sait pas qu'il est incestueux. Hein. Et puis à un moment donné, il y a une période où, d'incertitude, est-ce qu'on est ou on n'est pas, etc. Et puis quand on se rend compte qu'on est dans l'inceste, là on fait la séparation, on fait la coupure. On est obligé de faire la coupure parce que la dissociation, on fait la dissociation. Parce que sinon on est dans l'inceste. Celui qui est le ton patient, là, pourquoi il se dissocie? Parce que sinon il serait dans l'inceste. Parce que il est tellement stimulé par son agresseur qu'il est dans l'inceste. C'est-à-dire qu'il pratique l'inceste avec son agresseur. Alors il faut introduire une scission, une dissociation entre lui et l'agresseur. Et il devient comme un idéal lointain pour son agresseur. Donc ça met des limites entre lui et l'agresseur. Voilà à peu près, écoutez, ce que je pourrais vous dire, là, je pense qu'il y a beaucoup de matière déjà, et beaucoup de matière à réflexion, je vous trouve très pensif, et je pense que je ne vais pas en ajouter.